À l'occasion du 16e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune Nord-Sud du 15 juin, le Mouvement populaire de libération de l'Angola, le Parti des ouvriers de Hongrie et l'Association d'amitié Slovénie-Corée ont organisé du 1er au 3 juin des conférences et séances de films. Y ont participé les personnalités et les habitants des pays hôtes. Les orateurs ont dit que sous la direction lucide du président du Comité de la Défense nationale Kim Jong-il, la première rencontre au sommet Nord-Sud dans l'histoire de la division de la Corée a adopté en juin 2000 à Pyongyang l'historique déclaration commune du 15 juin pour la solution indépendante du problème de la réunification nationale grâce aux efforts conjugués. Ils ont témoigné du soutien agissant au peuple coréen dans la lutte pour l'unité nationale.